Je circule en agglomération dans une rue à sens unique. Je peux donc envisager de dépasser la file de cyclistes sans risquer de gêner des véhicules qui ne peuvent pas arriver en face. Je suis cependant tenu de laisser un espace de sécurité latérale d'au moins 1 mètre avec toute la file de cyclistes. Réponse A et C.